À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet et du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans son page d'internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung, canalisant toutes les forces pour la victoire dans la guerre.